Laisse-moi être comme toi. Laisse-moi être toi. Laisse-moi être ton sang. Laisse-moi un peu de temps. Je rougirai quand je te verrai et quand je te parlerai. Et quand les lumières seront éteintes, je te dirigerai sans crainte. Laisse-moi faire comme un garçon. Laisse-moi cette illusion. Laisse-moi être ton roi. Laisse-moi le faire comme toi. Je te montrerai comment on fait. Et puis je te remplacerai. Je ferai comme une fille qui se défend. Une fille qui perd son sang. Laisse-moi être comme toi. Laisse-moi plusieurs fois. Laisse-moi être tes yeux. Laisse-moi faire l'amoureux. Si un jour tu devais t'en aller, est-ce que tu pourrais bien m'emporter? Si un jour tu pouvais tout quitter, est-ce que tu pourrais garder notre secret? Laisse-moi être ta croix. Laisse-moi essayer. Laisse-moi être juste toi. Laisse-moi être comme toi. Je te laisserai trouver la voie. Et puis je penserai comme toi. Comme une fille qui voudra prendre son temps. Comme si c'était la dernière fois. Si tu devenais un soir, est-ce que tu m'emmènerais? Et t'envoler sans moi. Est-ce que tu m'emmèneras? Yeah, oui.